quand j'étais minot. Je vous ai pas encore raconté, j'étais mal dans ma peau, comme un petit chat écrasé. Je sais pas pourquoi, mais quand t'as pas confiance en toi, c'est vraiment fastoche de se trouver petit et moche. Mais y'avait ce petit air qui n'était jamais bien loin et qui m'entraîne à l'air de rien. Y'avait ce petit air qui m'emportait vers un monde merveilleux où les binoclars ont l'air cool et ça fait tam dam tadadam dam. Seul, que je tourne en rond et que je m'ennuie, quand le bonheur me fait la gueule et que le soleil s'en va la nuit. Dans ces moments-là, on pourrait faire n'importe quoi, il y aura toujours une raison de se trouver vieux, moche et con. Mais il y a ce petit air qui résonne comme un petit vent de fraîcheur qui vient balayer mes malheurs. Il y a ce petit air qui m'entraîne vers un monde merveilleux où tout le monde aurait le sourire et ça fait tam dam ta da da dam dam ta da da dam dam. Je finirai peut-être à l'hospice, même si je bave un peu et même si je pue la pisse. Je me poserai plus de questions quand j'aurai perdu la raison et je serai pas malheureux tant que je me souviens un peu de ce petit air qui résonne et qui m'emmène en vacances où plus rien n'a d'importance. Oh, ce petit air qui nous entraîne et qui nous rappelle